qu'elle est morte. Tonaille. Hey Jack. J'avais envie de te retrouver pour parler d'un groupe, pour cette dernière capsule, d'un groupe un peu particulier. Je tourne ma tasse afin de cling clouguer avec toi. J'ai bloqué. Tu pourras dire tout ce que tu veux sur moi, mais le cappuccino, je le réussis bien. Tu le réussis pas mal. Il est bien frais. Déjà, je voulais dire, est-ce que tu connaissais ce groupe ? Non, du tout. Eh ben, c'est exactement la réponse que j'attendais. Parce que j'allais te dire que ce groupe, tu le connais et on l'a déjà vu en concert. Et c'était ça que je trouvais ça marrant parce que je m'en doutais que tu t'en souvenais pas. Je l'ai vu aussi, moi. Ah ouais. Sûr. Ah oui. Ils sont déjà venus au Hellfest en 2022, mais c'est pas là que tu les as vus et c'est pas la question de ça. Et c'est un groupe qui est un petit peu un renouveau du groupe, un renouveau dans ce style de groupe. Qui est l'étoile montante de ce style, tu vois. Dans une autre capsule, on a parlé de Bring Me the Horizon, qui était un peu la star du metalcore, en disant The Group. Là, on n'est pas sur un groupe qui est autant populaire, mais qui est considéré vraiment comme un groupe, un des futurs grands à venir dans le style death metal. D'accord. C'est vraiment un groupe c'est vraiment un groupe qui est considéré comme ça. Mais c'est un groupe qui est encore un petit peu jeune quand même. C'est un petit jeune. Ils ont quand même petite 12-13 ans de carrière, mais ils sont considérés comme vraiment les futurs grands quoi. Ok. Donc voilà, c'est pour ça. Et là, bien sûr, la question que tu dois te poser, c'est mais j'ai vraiment vu ce concert en live et je suis en train de me demander là. Non, mais c'est là, je te laisse un petit peu le truc tourner dans ta tête. Ouais. Et du coup, avant de perdre du temps, parce que je rappelle aux gens qu'on a plus que 22 minutes. Oh là là, ça va couper. 22 minutes et combien de pourcents de batterie ? 43. Oh, ça devrait le faire. Donc faut faire vite. Faut surtout nous faire un petit générique. Tout petit. Non, pas forcément, faisons un normal. Bah, si il est long, tu feras rapide derrière. Si tu fais rapide, t'as plus long derrière. Exactement. Donc je choisis. C'est le générique. C'est le générique. C'est le générique. Ah, t'as vu, j'ai un petit son. Ouais, t'as un petit son de... Ouais, tu faisais un peu. Ouais, j'en abuse un peu. C'est le dernier générique de la semaine. Avec mon ami Jack, avec votre ami Tonaï. C'est la dernière capsule de la semaine. Générique. On est donc là pour parler un groupe, comme je l'ai dit, un groupe de death metal, mais c'est un groupe de death metal américain. Le sachiez-tu ? Je m'en doutais. Mais donc tu vas voir en fait, tu te renseignes. Je m'en doutais parce qu'ils parlent américain. Tu m'aurais dit, ils sont pas. Ça veut rien dire. Mais c'est vrai que ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Mais je me suis dit bon, on part sur de l'anglais. Bon, c'est ça. Et comme ma culture, dans le monde, c'est anglais ou américain. Il y a que qui parlent cette langue. Mais t'as confirmé quelque chose que je ne savais point vraiment. Arrête, j'ai l'impression que tu te renseignes de plus en plus. Ah non, pas. Tu m'as carrément dit que tu connaissais toute l'histoire d'un club dans la précédente capsule. Mais là, c'est parce que de fil en aiguille. Ah, de fil en aiguille, comme par hasard. Quoi, de fil en aiguille? Ok. Et donc, de quel groupe va-t-on parler? Alors, je dirais. Oui. Tu as dit que c'était un groupe américain. Oui. Qui faisait du death. Ouais, j'ai dit ça. Qui avait 12, 13 ans de carrière. Oui, j'ai dit ça. J'en déduis donc. Bah, tiens. Par ma grande sagesse. Qu'on va parler de Gatecreeper. Et te trompe pas de bouton. Exactement, on va parler de Gatecreeper et je regarde bien. Donc, comme je le disais, Gatecreeper est un groupe américain de death metal qui vient plus précisément de Phoenix en Arizona et qui est aussi donc dans un endroit où apparemment faut faire en général une heure de route pour à peu près tomber sur une ville où il y a des concerts sympas à aller voir. Okay. Donc, c'est des mecs qui ont l'habitude comme ça de prendre la voiture et d'y aller. Et quand je me suis un peu renseigné à, pour essayer de retrouver un petit peu les racines du groupe ou comment faut, ça a commencé, eh ben, il faut savoir que Chase, le chanteur, il vivait comme il le fait toujours à Phoenix, donc la capitale de l'état du Grand Canyon, où en plus d'avoir une scène locale décente, les groupes de tournée s'arrêtent assez souvent, en grande partie en raison de l'emplacement pratique de la ville sur l'épuisante route du désert entre Austin au Texas et Los Angeles. C'est là qu'il a été présenté pour la première fois à Matt, le batteur, en tant que Metal Matt. Matt était de Tucson, à une centaine de kilomètres au sud, un trek pas très rare apparemment pour les résidents de Tucson pour faire des spectacles. D'accord. Donc quand t'es à Phoenix, ça va encore, mais quand t'es ailleurs, tu te déplaces pour venir voir. Ouais. Donc ils se sont retrouvés lors d'un concert et ils ont immédiatement commencé à parler de métal. Je me souviens avoir parlé de beaucoup de death metal et de la capacité de destruction massive de Dismember en particulier, d'avoir dit « ouais, je veux créer un groupe comme ça ». Donc de retour à Tucson, Matt, lui, il avait un colocataire, Eric, donc c'est le guitariste, un autre vétéran des longs trajets vers le nord qui voulait aussi créer un tel groupe. Il dit, ayant essayé d'être dans des groupes depuis l'âge de 14 ans, la clarté de la vision qui a émergé alors qu'ils envoyaient des SMS pour savoir ce que la nouvelle chose devait être, était la bienvenue. Donc tous les trois étaient des amateurs de death, même si leur propre chemin vers son chemin sombre avait été quelque peu différent. Ouais, c'est ça qui est intéressant parce que, tu vois, Matt, lui, il a grandi en écoutant beaucoup de différents types de musique extrême. Quand j'étais jeune, j'étais attiré par tout ce qui est extrême. Je n'ai pas fait beaucoup de distinctions entre les sous-genres et autres. Si c'était rapide, si c'était lourd et il y avait des blast beats, s'il y avait de la contrebasse, c'est exactement ce que j'aimais. C'était son truc. Lui, Eric, il s'est d'abord mis dans la musique en creusant le punk et le ska quand il était enfant, prenant la tête de sa sœur aînée vers les tons plus dangereux des groupes comme les Misfits. Et la grande révélation est venue justement quand à un Noël, sa sœur lui a offert l'album Gore Obsessed de Cannibal Corpse. Et lui, je l'ai écouté, j'avais aucune idée de ce qui se passait, j'étais comme, c'est de la musique folle. Mais ensuite, ça a cliqué et j'étais obsédé. C'est donc ce dont il parlait tout le temps, c'était un moment charnière de où sa vie a changé. Et donc, il remercie encore une fois sa sœur pour ça. Pour la suite, si je me trompe toujours pas, Wagner, Chas Madsen, Eric. Ah, pour Eric, lui, il disait, sa mère était tout à fait d'accord pour qu'il porte des chemises Cannibal Corpse et qu'il aille à l'école avec. C'était pas genre un truc où ses parents étaient contre ou on pouvait pas en parler. Lui, il créait des groupes, il jouait 5 heures par nuit dans sa chambre et quand il sortait de la chambre, il voyait sa mère qui essayait d'écouter la télévision malgré le bruit et tout ça. Donc il y a jamais eu trop de problèmes, tu vois. Ça n'a pas créé de conflit, quoi. Non. Alors que pour Chas, les choses étaient un peu plus différentes. D'abord, il est entré dans le punk avec Green Day. Il se souvient qu'il y avait une ligne de démarcation dans son école entre les enfants qui écoutaient Green Day et les enfants du métal, enfin de ce qu'il y avait de plus métal à l'époque, à savoir Static X, Korn, Limp Bizkit. Quand il a commencé à entrer dans le skateboard, il a commencé à franchir la ligne en entendant Slayer sur des vidéos de skate ou autre, et il s'est mis à écouter des trucs plus sombres comme Danzig, Misfit et Pantera. Puis il a découvert The Black Dahlia Murder, où le death metal a commencé pour moi, pour lui, pardon. Et grâce aux recommandations de ses potes, il a commencé à tomber de plus en plus, voilà. Et une des vraies raisons pour laquelle c'était différent dans sa maison à lui comparé à ses autres potes, c'est que il a grandi dans une famille religieuse où le métal c'était pas accueilli, c'était tabou d'en écouter, voire même du punk. Ouais, c'était pas du tout accepté, donc il était un peu seul. Il avait en plus pas de frère plus grand ou de copain de quartier pour lui donner une cassette du premier album de Metallica, toi, il le dit ça. Okay. Donc il a dû se faire sa culture tout seul, quoi. Ouais. Et donc au moment où Chase a rencontré ses futurs camarades de groupe, lui aussi il n'en était pas à son premier groupe. Il avait fait des trucs dans des petits groupes lui-même où il avait commencé à apprendre à bien jouer tout ça, mais c'était pas encore ce qu'il voulait faire. Donc c'est vraiment, en fait, il n'y avait pas forcément de but derrière la création au début de Get Creeper, à part, venez, on essaye de faire un truc, mais on le fait le plus sincèrement possible, en rendant hommage à nos pères et à tout ce qu'on a aimé, quoi. Okay. Donc, ils ont sorti un EP éponyme en 2014, donc l'année suivante de leur création. En 2015, ils ont sorti un split avec le groupe Takeover and Destroy. En 2016, le groupe a été présenté sur un split avec Homebreaker, Outer Heaven et Scourge. Et en 2016, ils ont aussi sorti un split avec le groupe Young on His Way. Donc là, c'est aussi la même année qu'ils ont sorti leur premier album intitulé Sonoran Deprivation. Donc ça, tu vois, ça marche plutôt bien. En 2019, ils continuent. Ils ont annoncé un deuxième album, Deserted, qui est sorti sur Relapse. Et Loudwire l'a nommé l'un des 50 meilleurs albums de métal de 2019. En janvier 2021, ils ont sorti l'EP Unexpected Reality. Le disque a été classé 14 sur la liste de Revolver des 25 meilleurs albums de 2021. Et si je ne dis pas de bêtises, dans cet album, il y a des chansons qui sont ultra courtes et même une chanson qui dure 11 minutes. ils ont voulu essayer de montrer à travers ça un espèce de champ des possibles du death metal. D'accord. Assez incroyable. Et en mai 2024, ils ont sorti leur troisième album, à savoir Dark Superstition. Donc voilà un peu rapidement ce que je peux dire sur Get Creeper, qui est pour beaucoup considéré comme justement la relève du death metal, là où il y a encore pas mal de groupes vieillissants, eux seraient un petit peu l'espoir de la nouvelle génération dans leur death, qui en plus, je trouve, sur les trois albums du groupe, a pas mal évolué, tout ça. Alors j'ai parlé de trois membres en particulier parce qu'ils étaient là depuis 2013 à aujourd'hui, mais il y a quand même un guitariste rythmique qui est arrivé en 2020 et qui a pas bougé, et un bassiste en 2021. Enfin, il y a eu d'autres membres avant, mais ils ont bougé un petit peu. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment parlé des trois principaux. Mmh. Voilà. Est-ce que j'ai oublié des trucs que j'aurais pu vouloir dire? Non. En gros, ils sont vraiment. En fait, de tout ce que j'ai pu lire sur eux, et ce qui était assez marquant, c'est de se dire que un peu tous, ils se considèrent comme des mecs qui étaient un peu bizarres au lycée, au collège, un peu mis de côté. Ouais. C'est à cause de leur style, et qu'ils ont quand même. Pour eux, c'était pas un problème dans le sens où ils sont tous retrouvés autour de leur style de musique, et qu'aujourd'hui, quand ils vont dans une salle de concert, quand ils font un concert, quand ils se produisent ou quand ils vont voir des groupes, ils savent que dès qu'ils voient quelqu'un qui a un t-shirt de tel ou tel groupe, ils sont entre eux et que il y a une vraie passion pour ce style-là. En fait, tu vois, c'est vraiment un truc qui est en eux, quoi. Donc c'est là, par exemple. Ils disent que lorsque les membres de Get Creeper parlent de death metal à un homme, ils le font avec le même enthousiasme de maniaque teint dans de la laine. Le chanteur, il déclare que même après plus de 20 ans en tant que fan, je m'en lâche jamais. Tu vois, cela touche quelque chose de primitif chez les gens, cette agression et ce pouvoir que beaucoup de gens n'expriment pas dans leur vie quotidienne. Voilà. Donc tu vois, ça fait partie de vraiment, c'est un truc. Et ils continuent en plus de chercher dans des. Il y a Chase qui dit que. Il trouve toujours des vieux albums qu'il avait jamais entendus auparavant, des démos de groupes qui n'ont fait qu'une chose en 92. Tu vois, ils vont vraiment rechercher. Voilà, ils sont fans. Ouais. C'est des ultra fans hardcore du propre style qu'ils pratiquent. Okay. Et donc, d'une certaine manière, je trouve que ça peut se ressentir. Tu vois, dans l'extrait que j'ai passé tout à l'heure, ça sonne vraiment un peu à l'ancienne. Ouais. Et je trouve qu'il y a une petite évolution dans leur album où ça sonne de plus en plus pas trop moderne, mais ils sont pas restés ancrés à l'ancienne. Il y a une évolution, mais dans le bon côté du death metal. D'accord. Et donc là maintenant, j'ai envie de te demander, avant de te dire quand est-ce qu'on les avait en concert, ce que toi t'as pensé de Get Creeper, groupe que tu ne connaissais pas. Bah apparemment si, mais en tout cas, est-ce que je peux dire pas dégueulasse découverte du coup. Ah, ça me fait plaisir. On dirait. Bah si, tu peux complètement le dire parce que t'as zappé, donc pour toi c'était une découverte. Ouais, c'était une bonne découverte. Alors, tu vois, bon, je pense que je l'ai déjà dit en plus au fil de mes découvertes. Ouais. J'ai envie de dire, c'est même plus si vrai que ça parce que on a vu des deaths ultra vénères. Là, on a eu beaucoup de brutal deaths. Hein, on en a vu beaucoup. Là, on est pas. Intéressant et qui était plutôt pas mal. C'est vrai que là, on est sur un death qui est très underground, qui sonne. Enfin, qui est pas si underground, qui sonne très death quand même. Mais oui. Mais je veux dire, sur tous les groupes de death, brutal death, un petit peu. Le brutal death est un peu plus underground, je trouve, moi. Ah bon? Bah, je trouve, il est peut-être aujourd'hui plus populaire, mais il démarre. Après, c'est peut-être le style et la voix qui donnent un peu cette impression, parce que tu vois, la voix, elle est très. Caverneuse, ouais. Limite un peu doom des fois, je trouve. Mais bien puissante. Par contre, elle envoie. Ah oui. Elle envoie. Non, c'était plutôt bienvenu. Alors, il y a un album. Alors, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je l'ai trouvé vachement hardcore. Ah ouais. Celui que tu parlais justement avec tous les titres. Ouais. Bah, ça doit être pour ça, ouais. Bah, je l'ai trouvé peut-être, ouais. Vachement hardcore. Et donc, du coup, je l'ai découvert juste après un autre groupe. Agnostic Front. Et c'est vrai que. Plus tard, je tombe sur cet album-là et j'ai trouvé qu'il sonnait très hardcore. Ok, bah oui. Pas juste par le fait que c'est des titres qui durent une minute, hein, mais c'est très rapide, des rythmiques très rapides, efficaces et rentre dedans, quoi. Ok. Et j'ai trouvé, voilà. Mais sinon, j'ai préféré, c'est à partir de Deserted. Ok. Deserted, ouais. Deserted et du coup, est-ce que je dis une bêtise? C'est l'avant-dernier Deserted ou c'est Non, c'est l'avant-dernier. Hein, voilà, l'avant-dernier. Et du coup, bel-dernier. Qui s'écoute très bien l'un après l'autre. Ok. Sans problème. J'étais dans le même ressenti dans les deux. Ouais, From the Ashes, ouais, qui était vraiment cool, très très lourd, un petit peu doom aussi, j'ai trouvé. Je trouvais qu'il y avait, je sais pas, il y avait une petite pointe de doom dans leur. Il y avait un truc doomesque qui t'a plu, toi. Des fois, il y a une espèce de. Ouais, c'est la lourdeur du doom. J'ai l'impression qui. Voilà, donc ça fait un death doom, ouais, underground avec la voix bien rauque, bien caverneuse. Non, c'était ultra efficace. Ça envoie bien. Je pense que ça doit bien décoiffer en live ce groupe-là. Je t'ai pas dit où est-ce. Du coup, j'essaie de me rappeler. Attends, je t'ai pas dit où est-ce qu'il passait. Il passe le samedi en Main Stage 2. Ah ouais, d'accord. Je pensais que t'allais dire Valais. Ouais, mais non, mais c'est vrai que cette année, c'est un peu plus dur de dire forcément quelle scène ça va être. Et attends, je check quand même parce que je dis des choses, mais oui, il passe, tu sais, parce que c'est quand même la journée où il y a Cavalera, Chaos ID, Crisix, Insanity Alert, Squall and Grind, le coup. Oui, non, mais bon, on l'a déjà dit, mais c'est vrai que cette année, la main stage, elle est valable. Donc, je vais essayer de te faire deviner maintenant, avant que tu me dises vraiment au final si t'as envie d'y aller ou pas, et parce qu'il nous reste 12 minutes et on est large. On va prendre notre temps. Alors, si je te dis, j'ai essayé d'y aller en douceur pour pas te perdre. Je vais essayer de te dire, j'ai dire Pénitence Onirique, Birds in Row, Brutus, Russian Circle. T'es sûr que j'étais là? Brutal Sphincter. Oh, Sylvain. Je les ai vus. Rectal Smegma. Non, mais ça y est, je sais où, mais. Où ça? Homotoc en 2023. Mais je les ai vus. En fait, il passait sur la suppository. Est-ce qu'on était bien devant? Alors non, on est passé, on a regardé un peu de loin et c'est là où on a été prendre un goûter, je crois. D'accord. On avait été prendre un truc à manger, ouais, on les a vus de loin. Je comprends mieux. Et en fait, je m'en souviens parce qu'on en avait un peu en plus parlé sur la route parce que tu avais fait une longue playlist et moi j'avais dit j'ai pas mal aimé ce groupe là, ça a l'air bien. Donc c'est moi qui t'avais dit viens, on va aller voir un peu, on les a vus de loin, mais on faisait la queue pour fait chier, un concert entier oublié, je dis waouh. Non, mais voilà, on les a vus un peu de loin, ça me faisait rire en tout cas de te piéger de ce côté-là. Surtout que je savais que t'allais pas l'avoir, donc j'étais en mode. Ah bah ouais, tu m'étonnes, attends. Et donc du coup, alors, qu'est-ce que tu vas nous dire de beau au final pour Get Creeper? On y va ou on y va pas? Bah franchement, je voudrais y aller plus longtemps et bien garder en mémoire cette fois-ci. Ah donc là, mais on est en main stage, hein. Franchement, ouais, mais moi cette année, je trouve qu'on n'est pas sur. D'accord, toi t'es. Je pense que après, peut-être que oui, il va peut-être subir. Tu sais, là, un peu le problème que vous avez avec la main stage, le public et tout. J'espère que cette année, ça sera un peu plus. Ça risque de bouger un peu, hein, parce que tout maintenant sur les main stage. Je pense pas que le public. Tu sais, il y a vraiment un public main stage. Il y a des gens, ils sont. Mais on verra. Mais en tout cas, toi, ça t'a plu au point d'aller le voir, le groupe. Oui, sans problème. Je pense que je passerai un bon moment devant. Je suis un peu dans le même esprit, état d'esprit que toi, c'est-à-dire que, j'en ai pas eu assez, moi, en 2023, et j'ai vraiment envie de m'y plonger un peu plus et d'aller les voir en live cette façon-là. Ouais, voir ce que ça donne en live, Donc, je pense qu'on se retrouvera là-bas. Ouais, il y a des chances. Ça me fait plaisir. Bon, écoute, Tonai, merci beaucoup. Merci à toi. C'était encore un plaisir, ces petites capsules. Ouais, qui n'auront pas mis au son tant que la dernière fois, note. J'ai pas compris. Ça n'aura pas mis autant de temps que la dernière fois. Non, c'est vrai. Et pourtant, on est quand même pas loin de 2h30, mais quand même. En vrai, il n'y aurait pas eu le changement, tout, c'est une meilleure dynamique quand même. Ça va. Non, mais c'était fluide. Écoute, merci beaucoup à toi. On se retrouve bientôt. Allez, le check de fin de capsule. Check. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup, Tonai. Ciao, ciao. Try to come.